mokili kambo ezali moto yonso akotia matoi akoyoka makambo mobutu akoloba na ba peuple na ye akoyoka nyonso na tension po atobela soki mabe akosala wowowowowo te o po akosala nsima lelo 5 ans ya régime nani akanisaki tokokoma o moto nyonso ya nzambe asambelaki mpola mpe ezonga na congo bamusicien nyonso o bayembaki mpo bakumisa nouveau régime bafonctionnaire armé na la polise mobutu apesi melesi nazongisi yo melesi ya peuple nyonso na nzembo président tata apesa yo melesi esengo nini na motema atondimaki etambwisaki révolution nyonso bamoni polele melesi apesi na congo mobimba oyo apesaki maboko na nouveau régime au commandement armée nationale police nationale la sécurité la télévision ba musicien banglebe léopard bino ba maçon na ba pêcheur maloni ya bilanga ba fonctionnaire mangomba ya nzambe o révolution na biso ezali na ba acte blo blo blo blo blo blo topo bla bla bla bla bla bla tolembe bla bla bla bla bla bla topo blo blo blo blo blo blo topo bla bla bla bla bla bla tolembe ezali le 13 décembre 1970 olingi bavote ozala na parti vote ngai keleve toboy politike ayo yebisa na parti tokotala manifeste toboy lokuta propagande na parti ata na district ata na province ata na capitale bomba mbongo na bino lokuta demi-tour blo blo blo blo blo blo tombo bla bla bla bla bla bla tolembe wo wo wo wo wo tobo bla bla tolembe bla bla bla bla bla bla tobo élection ezali le 13 décembre 1970 olingi bavote ozala na parti boyoki e boyoki bokosa lisusu bapeuple te boyoki soki bokosi tokopesa bino kisa mbete maboko impéroye oye